Ma vie n'est peuplée que de joints et de fumes de cul. Et tous les jours je me prends en journée avant de squatter ma rue enfoirée. J'ai que la jalousie pointe en toi, t'es à la fumée. Reprends Dieu la vie que je mène, c'est le trou et non l'issue enfoirée. Ma vie n'est peuplée que de joints et de fumes de cul. Et tous les jours je me prends en journée avant de squatter ma rue enfoirée. J'ai que la jalousie pointe en toi, t'es à la fumée. Reprends Dieu la vie que je mène, c'est le trou et non l'issue enfoirée. À l'heure où je me lève, les chances sont parties depuis longtemps au taf. Avec le pilon quand on se casse, normal qu'on se réveille à la masse, frère. En parlant de masse, je crois qu'il faut que j'en TH. Donc direction le rebat, juste en bas, juste en face. Ne me bats pas de cash, j'en ai plein, j'vends du hash. C'est pas ma fierté, grâce à Dieu, j'rappe, j'prends du waps. Dolbise aussi, les kilos s'alourdissent. De plus en plus de mecs n'ont même plus l'air, pisque à brasser. Importe tes problèmes, n'est-ce pas? Qu'on a lâché la veste, pas. Voilà SLK, tu pèses pas. Tant pis pour toi, ça veut dire que tu pèses pas. J'ai l'opulence dans ça, j'vais être obèse, quoi. Caché, goûter la vie sans une échec, elle est trop caisse, quoi. Ne pas pas d'espoir, ou avant mat à télé. Que les gens qui se lèchent soient, il y a des gens qui te laissent croire. Les politiques ont fait un bon exemple pour former toute une génération de cailles d'un peu exempté. Plein. Ma vie n'est peuplée que de joints et de fumes de cul. Et tous les jours je me prends en journée avant de squatter ma rue enfoirée. J'ai que la jalousie pointe en toi, t'es à la fumée. Reprends Dieu la vie que je mène, c'est le trou et non l'issue enfoirée. Ma vie n'est peuplée que de joints et de fumes de cul. Et tous les jours je me prends en journée avant de squatter ma rue enfoirée. J'ai que la jalousie pointe en toi, que t'es à la fumée. Reprends Dieu la vie que je mène, c'est le trou et non l'issue enfoirée. Ça fait combien de temps que je n'ai pas taffé? J'ai passé 4 ans pause café, 8 ans à constater que dans le bis il faut trop se taper. Pose ma tête, pas de connard, ose ma tête dans ma direction, fuck. Le seul truc qui a monté en moi, c'est l'érection que provoque la maille et bif. Donc j'ai fait mon élection, hein, ma sélection. Mon roi, mon dieu, je sais que c'est indigne de moi, mais je vis que de ça. Mon vieux, peu, sois pas pompeux à me dire ce que je dois faire, je compte que sur moi-même et ma famille. S'il y a tant de crises, car tant de prises de cœur, tant de tristesse dans nos textes, ça se ressent dans nos textes, ça se voit sur nos têtes, comme sur les parois, la fatigue de nos cortex. Cortex. Tu piges pas, fais un peu de bio. Trop de rage dans ma bio, car trop de rage, c'est le sillon où l'on vit. Et où l'on vit, c'est le 18. Blah. Ma vie n'est peuplée que de joints et de fumes de cul. Et tous les jours je me prends en journée avant de squatter ma rue enfoirée. J'ai que la jalousie pointe en toi, t'es à la fumée. Reprends Dieu la vie que je mène, c'est le trou et non l'issue enfoirée. Ma vie n'est peuplée que de joints et de fumes de cul. Et tous les jours je me prends en journée avant de squatter ma rue enfoirée. J'ai que la jalousie pointe en toi, que t'es à la fumée. Reprends Dieu la vie que je mène, c'est le trou et non l'issue enfoirée. Scarla. Yo, ton style est dépensé, je peux lire dans tes pensées. Tu perds pas toi à danser, t'as pas que ça à faire, faute la maille pour la vie arpentée. C'est pas Booba qui dira le contre avec son dos argenté. Scala. La vie est ce qu'elle est, mais on peut changer le cours de la nôtre en oubliant ce délai. La mort, ce n'est pas pour les autres, mais on combat ses symptômes juste en restant pas l'autre. Scala. Oublie pas ce que je dis, en impro sur ce que dit, je viens pour brûler ce study. Scala. J'adore ma life, mais je la ken en même temps, comme ma putain de wife. Retire le knife qui me plante, le schlasse qui se rend en moi. Puis l'épée d'Amoclès qui me broie, le foie, ma foi. Le froid qui me glace, en place la chaleur de l'utérus. Mais putain qu'est-ce que je fous dans cette vitalus. Ma vie n'est peuplée que de joints et de fumes de cul. Et tous les jours je me prends en journée avant de squatter ma rue enfoirée. J'ai que la jalousie pointe en toi, que t'es à la fumée. Reprends Dieu la vie que je mène, c'est le trou et non l'issue enfoirée. Ma vie n'est peuplée que de joints et de fumes de cul. Et tous les jours je me prends en journée avant de squatter ma rue enfoirée. J'ai que la jalousie pointe en toi, que t'es à la fumée. Reprends Dieu la vie que je mène, c'est le trou et non l'issue enfoirée. Ma vie n'est peuplée que de joints et de fumes de cul. Et tous les jours je me prends en journée avant de squatter ma rue enfoirée. J'ai que la jalousie de la même manière que moi. Ghetto, chier. Pour tous ceux qui n'ont rien à foutre de tout, de la life, du reste, hein. Ça va les couilles, les gars. Y'a que la maille qui nous apporte de toute manière, hein. Parce que c'est la seule manière de s'en sortir dans le putain de pays, dans le cul. Ma vie n'est peuplée que de joie et de fumes de cul. Parce que c'est la même partout, ma vie n'est peuplée que de joie et de fumes de cul. Arrête de croire que tu vas t'en sortir comme ça. Tous les jours je me prends en journée avant de squatter ma rue enfoirée. Ma vie n'est peuplée que de joie et de fumes de cul. Ma vie n'est peuplée que de joie et de fumes de cul. 2005. Ma vie n'est peuplée que de joie et de fumes de cul. Et tous les jours je me prends en journée avant de squatter ma rue enfoirée.